Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, le marché, c'est un contrôleur de Nexo. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 433 déjà. Nous sommes le 4 décembre 2019, pour bien vous prouver qu'on est en direct, il est 20h, bon, juste à ma montre et aussi à la montre de la radio, donc nous sommes à l'heure, c'est bien. Est-ce que nous finirons à l'heure? Ça, on le verra bien. L'album de la semaine, c'est Amour, Love, par les Beatles en 2006, mais oui, c'est possible, on vous expliquera ça tout à l'heure. On écoutera Ah si, allez, je vous dis une partie de ça. On écoutera Because, on écoutera Get Back, et également Something, puis Being for the Benefit of Mr. Kite. Il y aura également Come Together et A Day in a Life. Et puis peut-être autre chose, on verra. Pour McCartney, Lennon, Ringo Starr et George Harrison, il y aura pour McCartney Teddy Boy sur l'album McCartney en 1970. Lennon, lui, nous chantera Hold On sur Plastic Ono Band la même année, en 1970. Quant à Ringo Starr, ce sera, figurez-vous, une année similaire, celle de 1970. Et nous chantera Let the Rest of the World Go By sur l'excellent album, parce que je l'aime vraiment cet album-là, Sentimental Journey. Quant à George Harrison, ce sera un instrumental 2 ans avant, oui, en 1968. Quelque part, c'est lui le premier qui a sorti un album solo, puisque c'est une musique de film. Et il y a du bon dedans, et ce sera Drilling Home. Ouais, c'est plutôt sympa. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Pour le reste, bien, j'espère que vous allez nous rejoindre sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Si vous n'êtes pas encore membre, eh bien, vous demandez à rejoindre et puis très très vite, vous serez avec nous. Et c'est le poste qui est tout en haut, toujours, tous les mercredis, entre 20h et 22h, puisque c'est La Saga des Fab Four, la seule émission qui va attaquer dans un mois sa 36e année déjà, puisqu'elle a été créée en 1984. Et par moi, ça ne nous rajeunit pas. Donc je vous souhaite une bonne écoute et on va commencer dans une poignée de secondes. Avec Love. La version que vous allez entendre est totalement a cappella. Elle était déjà apparue dans l'anthologie 3, mais ont été ajoutés des chants d'oiseaux provenant d'une version de la chanson Across the Universe enregistrée au profit de la WWF. Voici Because. Alors il va y avoir des blancs, forcément, parce que c'est a cappella. En principe, c'est pas radiophonique, mais c'est tellement beau. Écoutez. It blows my mind. qu'est-ce que c'est beau. 9 voix, 3 fois Paul, 3 fois John, 3 fois George, pour arriver à faire cette harmonie vocale sur Because. C'est extraordinaire. This is the story of a boy named Ted. If his mother said Ted be good, he would. She told him tales about his soldier dad, but it made her sad, and she cried, oh my. Ted used to tell her he'd be twice as good, and he knew he could, 'cause in his head he said, Mama, don't worry, no Teddy boy Sue, taking good care of you. Mama, don't worry, no Teddy boy Sue, Teddy's gonna see you through. Then came the day she found herself a man. Teddy turned and ran far away. Okay. Couldn't stand to see his mother in love with another man he didn't know, oh no. He found a place where he could settle down, and from time to time in his head he said, Mama, don't worry about Teddy boy Sue, taking good care of you. Mama, don't worry your Teddy boy Sue, Teddy's gonna see you. She said, Teddy, don't worry, now mommy is here, taking good care of you. Teddy, don't worry, your mommy is here, mommy's gonna see you through. This is the story of a boy named Ted. If his mother said Ted be good, he would. Fini, j'étais en train de répondre gentiment sur Facebook et j'ai failli faire un blanc. Heureusement, ça n'a pas été le cas. J'espère que vous allez bien. Laissons partir la suite. Là, je vais les enchaîner aussi parce que je pense que ça va bien aller ensemble. Let the rest of the world go by. Enchaîner avec Drilling a Home. C'est sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles le mercredi soir entre 20h et 22h. Il a fait ce disque pour faire plaisir à sa maman, a-t-il dit Ringo Starr. bien. Plus de 40 ans après, 50 ans plus tard, c'est très bien. With someone like you, a pal so good and true, I'd like to leave it all.

Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? C'est le principe de cet album, faire des mash-ups, c'est-à-dire mêler plusieurs titres, plusieurs pistes de provenance diverses au sein d'une même chanson. C'est l'album Love que vous avez entendu. Là, vous avez entendu deux extraits. La première chanson, c'était Get Back. La suivante, c'était Eleanor Rigby avec un bout de Julia dedans. Pour Get Back, c'était une version raccourcie de la chanson, incluant les montées des cordes de la chanson A Day in the Life, l'accord d'intro de Hard Day's Night et le solo de batterie de The End. Pour Eleanor Rigby Julia, c'est une version proche de l'original contenant une introduction instrumentale rallongée. Et la fin de la piste est un extrait instrumental de Julia couplé à des bruits de sirènes d'ambulance provenant de Revolution 9, à des rires d'enfants et au clavecin de Strawberry Fields Forever. C'est une manière totalement extraordinaire de redécouvrir les Beatles parce qu'on a l'impression que ce sont des nouvelles chansons et ça passe très très bien. Ils l'ont fait sur presque toutes les chansons, avec du matériel qui existait déjà, sauf pour While My Guitar Gently Weeps, qui a reçu une nouvelle orchestration composée par George pour cette chanson-là. Mais ils l'ont présentée d'une manière entièrement différente. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur l'album de la semaine, dont vous avez compris, vous allez avoir plein d'extraits, parce que c'est un très bon album. Out now, take a new word for falling swiftly. Dropping all around you. The pain that Peut-être que vous vous êtes branché avec votre autoradio sur 90.7 dans votre voiture et que vous découvrez la saga des Fab Four. Peut-être que vous vous êtes branché, après l'avoir lu sur Facebook, sur www.rigfm.fr et que vous découvrez la saga des Fab Four. Eh bien, bienvenue à vous, ceux qui sont habitués et toujours bienvenus. Vous êtes les bienvenus, c'est évident. Et l'album de la semaine de cette saga d'aujourd'hui, la 433e, eh bien, c'est l'album Love des Beatles, forcément, sorti en 2006 pour le Cirque du Soleil, produit par George et, on va dire Gilles, parce que je sais jamais si c'est Gail ou Gilles, je sais pas, George et Gilles Martin. Voilà, ce sera pas mal. Voici Drive My Car, The World et What You're Doing. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce medley de trois chansons? Eh bien, c'est un medley, évidemment, contenant aussi des cuivres extraits de Savoy Truffle et le solo de guitare de Taxman. On l'écoute maintenant sur RIG. Un album tellement bon qu'on fait des doublettes à chaque fois ou presque. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. I don't Something avec un bout de Blue Jay Way, version très proche de l'original, à laquelle les premières notes de guitare de l'intro ont été retirées. La fin de la piste se compose donc de l'intro de Blue Jay Way mêlée au cœur de Nowhere Man, ainsi qu'à quelques bruitages provenant d'autres chansons qui permettent la transition avec la chanson suivante. Seulement, la chanson suivante, on l'écoutera tout à l'heure. Là, j'ai voulu faire un truc spécial pour McCartney aujourd'hui. Nous allons écouter, il me semble que j'en ai raté aucun, tous les bonus 2018-2019 de l'album Egypt Station. Je les aime vraiment tous. Voici les deux premiers, Home Tonight, In a Hurry, à la suite. I'm taking you home tonight. I wanna make sure that you're alright. Looks like a go-go wind is blowing in. I'm taking you home tonight. We're like a train that's left the tracks. The world is falling apart. I can't be helped to put it back. But tell me where to start. I'm taking you home. Taking you home. Jamais retourner les CD, mais on retourne le CD et voici In a Hurry. She was always in a hurry, never took the time to look around. She was always one to worry and fret, staring at the ground. She'd be rushing, someone always breathing down her neck. Felt like everyone was pushing her down, keeping her in check. How could she leave? She's gotta stay. Somebody has to sit and wait. Deep in a dream, she is a voice. It's not too late to celebrate. Laughter. Not too late to celebrate. Round and round in her head. No one said you got to run. This is what she was after. Not too late to celebrate. Not too late. Not too late. to celebrate. No one said you had to wait. Allow me to congratulate you, baby. Now she doesn't have to hurry. She can do exactly what she wants. Ask her why she doesn't worry or fret. This is her response. Uncontrollable laughter. Allow me to congratulate you, baby. Yeah. Never too late to celebrate. Allow me to congratulate. Never too late to celebrate you, baby. On reviendra sur les bonus de ce très bon album Egypt Station un petit peu plus tard dans la soirée. Voici les Traveling Wilburys. Dans quel extrait ? Eh bien, c'est le premier qu'on a entendu en 1988, celui qui était à l'origine une phase B pour George Harrison, celui pour lequel il a dit, je résume, hein, « Ah tiens, je vais aller voir dans le studio de Bob Dylan, mais il faut que je passe voir Tom Petty. T'es là toi aussi ? Allez, viens Roy, on va aller faire un petit bœuf, on va faire un truc. » Et finalement, le single Handle With Care qu'on va entendre dans quelques secondes était bien plus important, bien mieux que ce qui aurait dû être à l'origine, et ça a donné un album entier des Traveling Wilburys. Ils n'en ont fait que deux, malheureusement. C'est dommage, ça aurait pu être bien, parce que là, ils se prenaient pas la tête. Ils ont carrément changé de nom. Ils ont essayé de tout faire pour qu'on ne découvre pas que c'était des légendes qui faisaient ça. Et ils ne se sont pas pris la tête. C'était très, très sympa. Voici Handle With Care sur RIG dans la saga des Fab Four. Commercialized. C'est relativement psychédélique, alors je vais parler dessus. With You, Without You, mêlé avec Tomorrow Never Knows. Ce titre est un mash-up, comme je l'ai expliqué au début, donc une combinaison de deux chansons différentes. Mêlant la mélodie chantée par George Harrison dans sa chanson With You, Without You à l'instrumentation de Tomorrow Never Knows. C'est excellent, n'est-ce pas? Cet extrait de l'album Love, sorti en 2006 par le Cirque du Soleil, avec la collaboration de Gilles et George Martin, s'il vous plaît. Et donc voici un autre titre, Being for the Benefit of Mr. Kite. C'était de ce titre-là tout à l'heure dont on parlait, lorsque j'avais dit que Something et Blue Jay Way faisaient la transition avec ce titre-là. Voici Being for the Benefit of Mr. Kite avec d'autres extraits dedans que vous voulez savoir avant. Vous êtes des coquins. Il y a I Want You, She's So Heavy et Helter Skelter. Je crois que c'est mon morceau préféré. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Late of Pablo Frank is there. What a scene. And horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance dance and sing as Mr. Caddy flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. The band begins at 10 to 6 when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. Thing being some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. C'est bon. Qu'est-ce qu'on aimerait que ça dure plus longtemps ? Vous savez, comme les anciennes publicités là, avec le truc à manger là, qui... Est-ce que vous pouvez pas le faire un petit peu plus long, s'il vous plaît ? Voilà, ça aurait été bien. Nous arrivons déjà, nous sommes un peu en avance, c'est inquiétant, à la cover. La cover, c'est quoi ? C'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en solo, même si eux-mêmes, à l'époque, faisaient déjà la cover de quelqu'un comme Chuck Berry, par exemple, ou qui vous voulez. Bref, c'est un chanteur connu ou pas, ça pourrait être vous aussi, ça peut être vous, pourquoi pas. Et le chanteur que nous avons associé à la cover cette fois-ci, il est très très connu. Il a eu un groupe qui a extrêmement bien marché dans les années 70 et 80 et il est revenu depuis les années 2000 avec son groupe à lui. Il s'appelle Jeff Lynne, c'est un grand copain de George Harrison. Voici sa version à lui de Junk sur The Art of McCartney, sorti en 2014. Broken-hearted jubilee. se reprend deux inédits de la version, enfin issue des sessions de Jeep Station. Voici Frank Sinatra's Party et Nothing for Free. À la suite sur RIG. Thank you. stop working today. I know you need something. You're talking to me. You're talking to me. I know you need something. What can it be? No, what can it be? I know you need something. You're talking to me. But you don't get nothing for free. Okay, okay, okay. My brain stopped working. My brain stopped working. My brain stopped working today. Dire que ce gars a 77 ans, dire qu'il est toujours sur la brèche, toujours en train de faire des concerts, qu'on se dit depuis 15 ans, si c'est pas davantage, que c'est peut-être le dernier concert, et ben pour l'instant, non seulement il revient, mais il revient 4 fois en France, et il revient à Bordeaux. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, je trouve ça absolument génial. J'ai les places, j'y serai, et j'espère vous rencontrer aussi. Et j'espère que Paul sera en super forme et qu'il y aura un beau temps. Mais avec Paul, je ne me fais pas de doute, ce sera très très très bien. Voici George Harrison en 1981, chanson que je passe pas très très très souvent, mais pourquoi pas la passer. Voici Hong Kong Blues sur RIG. Ah, ça sonne, je vais ouvrir. It's the story of a very unfortunate colored man. Got a racing down in Hong Kong. He got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gong. Now he's hopping the piano just to raise the price. Why he said, I need someone to love me. I need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. I need someone to lend me $50 bill, man. I'll leave Hong Kong behind me for happiness once again. Hope somebody believe I'll be in to see that play again. Every time I try to leave, sweet opium won't let me fly away. That's the story of a very unfortunate colored man who got arrested down in old Hong Kong. He got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gun. Revenons à l'album de la semaine, l'album Love, sorti en 2006. Voici Come Together, Dear Prudence, Cry Baby Cry. La version originale remasterisée, dont le final est mélangé à celui de Dear Prudence. Ce final s'enchaîne avec un très court morceau, Can You Take Me Back, placé à l'origine à la fin de Cry Baby Cry, et auquel sont rajoutées en fond les cordes de Eleanor Rigby. On écoute un extrait de Love et un autre extrait de... Ensuite, je ne vous dis pas de quoi il s'agit, mais vous allez le deviner assez facilement. Here come old flat top, here come grooving up slowly, got you. I don't know how wanted you. I looked from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette version de la chanson de George Harrison, la version de While My Guitar Gently Weeps. C'est la version acoustique de la chanson provenant de l'album Anthologie 3, à laquelle est rajoutée, je vous en avais parlé au début, une nouvelle orchestration classique composée et dirigée par George Martin. Bravo, Monsieur Martin, c'était vraiment très, très, très bien. Ça ajoute à la chanson, ça me donne des frissons. Vraiment, c'est l'une des plus belles versions, avec toutes les autres, de While My Guitar Gently Weeps. Vous savez que c'est probablement ma chanson préférée. C'est la saga. Belle voix, voici John Lennon et cette chanson Number 9 Dream sur RIG. Thank you. doigt poussé, poussé, il suffisait de le dire. On reste avec John Lennon, mais indirectement avec un hommage sur le dernier album actuel de Ringo Starr. Voici Grow Old With Me, chanté par Ringo Starr avec dans les chœurs un certain Paul McCartney. C'est sur RIG, c'est sorti sur l'album What's My Name, sorti récemment là, en 2019. Vous êtes d'accord pour retrouver encore l'album de la semaine, l'album Love? Voici Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Afraid you were made to have found her. Now go and get her. Remember, hey, to let her into your heart. Then you can start to make it better, better, better, better, better, better. Seconds flat. on the way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. La version originale remasterisée, les paroles introductives précédant le début de la chanson sont celles de la version alternative figurant sur l'album Anthology 2. Et auparavant, il y avait Hey Jude, la version originale raccourcie et remasterisée, dont une partie du final est désormais a cappella et où une ligne de basse inédite en album apparaît à la fin. Cette ligne de basse a été reprise par Brian May, actuel guitariste-bassiste du groupe de Paul McCartney, que l'on peut entendre désormais sur le final de la chanson jouée en concert. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cela, et voici l'une des plus belles chansons d'amour du monde. Je la dédie à Alexandra, bien sûr, si elle écoute un jour. Woman, sur RG, John Lennon. Je t'aime maintenant et pour toujours, c'est ce que scandait John Lennon. Voici encore deux extraits des sessions de Egypt Station. Get started sur la régie. So let's get started. I'm ready to be heard before the dear departed can have the final word. In a perfect situation, I'd have told you long ago. Well, now I think it's time you want to know. So let me tell you, right here and now, I'm gonna love you, and I will tell you. Deuxième extrait, j'ai oublié d'en parler, 62nd Street. Et ce sera le dernier extrait des inédits de Paul McCartney sur son dernier album, Egypt Station. Your day